Les infos juridiques du CIDFF, Centre d'information des femmes et des familles de Nancy. Salut Lucille. Salut Prudence. Est-ce que tu te souviens du sujet du jour ? Alors oui, il me semble que c'est les violences sexistes et sexuelles au travail. Oui, c'est exactement ça. Et spécifiquement, le harcèlement sexuel. Alors, selon les résultats de l'enquête du collectif STOP de 2023, le sexisme est le principal motif des inégalités et discriminations vécues au travail, juste avant le racisme. Notons que subir des traitements inégalitaires ou des discriminations au travail abaisse fortement la satisfaction retirée de l'emploi occupé, puisque seuls 62% des personnes concernées se déclarent satisfaites de leur emploi, contre 90% des autres. 33% des premières souhaitent ainsi changer d'emploi, contre 11% des secondes. Toujours selon l'enquête du collectif STOP, le sexisme se manifeste largement au travail par le biais de blagues. Seuls ceux qui les énoncent les qualifient de blagues, puisque plus de 3/4 des femmes y ont été exposées. Dans le quotidien professionnel, 6 femmes sur 10 ont déjà entendu des propos dégradants s'appuyant sur des représentations stéréotypées de la féminité et près de 7 femmes sur 10 ont déjà entendu des stéréotypes négatifs à l'égard des femmes managers. Pour finir, la maternité continue d'être perçue comme un problème pour l'entreprise et comme un handicap pour la carrière des femmes. Près de 7 femmes sur 10 en ont fait l'expérience. Pour près d'un tiers des femmes, ces propos leur étaient directement adressés et ce type de discours est davantage porté auprès des plus jeunes. J'en profite ici pour rappeler que l'article L1132-1 du Code du travail interdit de discriminer une personne en raison de sa situation familiale. Donc si un employeur vous pose une question relative à la composition de votre famille ou votre souhait d'avoir des enfants, vous avez tout à fait le droit de ne pas y répondre et de lui indiquer que cette question n'est pas liée à vos compétences professionnelles. Pour en revenir au harcèlement sexuel, est-ce que tu peux nous donner la définition de cette infraction ? Tu as raison, le harcèlement sexuel, c'est une infraction qui est prévue par l'article 222-33 du Code pénal et pour laquelle l'auteur encourt une peine de 2 ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende. Il s'agit de propos ou d'actes répétés à connotation sexuelle qui sont offensants ou humiliants. Il peut s'agir aussi de propos et d'actes imposés par plusieurs personnes de manière concertée à une même victime. Par exemple, votre collègue vous envoie des SMS à caractère sexuel alors que vous n'en avez pas envie. Ça peut aussi être le cas de plusieurs collègues qui vous parlent lors de votre pause déjeuner de leur vie sexuelle malgré votre gêne. Ça, c'est la forme « classique » entre guillemets de harcèlement sexuel. Mais il y a des comportements assimilés, qui n'exigent pas de répétition. Il s'agit alors de pressions graves, répétées ou non, pour obtenir un acte sexuel. Typiquement, votre supérieur hiérarchique refuse de vous accorder une promotion tant que vous n'avez pas une relation sexuelle avec lui. Dans ce cas, même si le comportement est unique, cette situation s'est passée une seule fois, le harcèlement sexuel pourra être retenu. Et la peine encourue sera aggravée puisque l'infraction sera commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions. Et est-ce que pour être victime de harcèlement, il faut nécessairement être visé par les propos ou les comportements sexistes ? C'est assez nouveau, mais la Cour d'appel de Poitiers a consacré le 7 février 2017 le harcèlement sexuel d'ambiance. C'est-à-dire que quelqu'un qui, sans être directement visé, subirait des provocations et blagues obscènes pourrait être reconnu comme victime de harcèlement sexuel environnemental ou d'ambiance. Et on en revient à ce qu'on disait dans l'épisode précédent, le sexisme ordinaire, peu importe la forme qu'il prend, il a des conséquences sur le collectif. Et cette qualification a permis au juge de réprimer plus largement ces comportements très longtemps tolérés et banalisés dans les entreprises. Ok, merci pour ces infos. On se retrouve la semaine prochaine pour voir comment agir quand on est victime de violences au travail. Exactement, on vous souhaite une bonne journée. C'était les infos juridiques du CIDFF, une chronique proposée par le Centre d'information des femmes et des familles de Nancy, 1 rue du Manège. Pour toute question, téléphonez au 03 83 35 35 87.